c'est des gens, puis la conférence de presse d'hier en est une belle démonstration, c'est des gens parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont naïfs et parce qu'ils croient à leur cause, qui se font embarquer par des radicaux, des agressifs, des illuminés, des paranoïaques, d'un 50 associations qui étaient réunies hier pour dénoncer la brutalité policière. Je peux-tu vous faire réentendre Nicole Filion? Nicole Filion n'est pas une survivante de l'Holocauste, là. Non, non, elle, c'est la Ligue des droits et libertés là, qu'elle représente. Puis, elle nous parle pas de ce qui s'est passé à Place Tiananmen avec les étudiants pétanques. On dirait quasiment que c'est de ça qu'elle parle. OK, on réécoute ensemble. C'est ça que vous avez vu à TV, vous autres, ce printemps? Hein? Le printemps dernier aura été marqué par l'une des plus grandes vagues de répression policière de l'histoire du Québec contemporain. Les victimes de cette répression ont connu la violence et les abus policiers. Elles se sont faites gazer, poivrer, matraquer, chargées par les chevaux, blessées par des balles de plastique, par des grenades assourdissantes. On a besoin que cesse l'impunité policière. Si tu fais de la course automobile dans un circuit de F1, tu peux finir dans le mur. Si tu fais du bungee, tu peux te disloquer la colonne. Si tu traverses la rue, un char peut te passer dessus. Si tu fais du ski alpin, tu peux finir d'un arbre. Si tu prends l'ascenseur, le câble peut lâcher et il peut tomber. Et si tu te ramasses dans une manif avec des animaux, ça se peut que tu manges un coup de matraque. Ça se peut que tu te fasses gazer. Ça se peut que tu reçoives un sabot dans le front. Ça fait partie des risques inhérents à un endroit où tu as décidé de te trouver et d'une activité à laquelle tu as décidé de prendre part. T'es dans une manif, il y a un cave qui scrape des chars ou il y a un cave qui défonce la vitrine d'une banque. T'es dans manif, là, t'es là. C'est pas toi qui accasse la vitrine, mais t'es à côté de lui. C'est plate, là, mais il y a des grosses chances que tu te fasses gazer. Moi, je me suis pas fait gazer pour au printemps dernier. Toi? Non, moi non plus. Non, hein, t'as-tu été victime de brutalité policière? Non. Non. J'étais chez nous, là. C'est la manifestation comporte certains risques. J'en ai un peu plein le cul qu'on joue la carte de la brutalité policière. Alors que, c'est drôle, hein? À Québec, ils l'ont essayé, cette petite stratégie-là, à deux scènes, avec des profs illuminés qui manipulaient des étudiants, des profs qui ont encore le job, en passant, là, d'un cégep, là. Mais qu'est-ce qui arrive à Québec? À Québec, c'est drôle, le rapport de force, c'est pas le même. On aime ça, nous autres, la police, qui quand on commence à être... Puis, moi, là, je vais le réaffirmer, là. Je pense que la drogue et la boisson a beaucoup à voir là-dedans. Des gens qui arrivent, qui sont pas toutes là, qui ont de la misère à tenir debout, qui sont agressifs, qui sont pas nécessairement des étudiants tout le temps. Exactement. Ça, c'est tes premières lignes, là. Pourquoi est-ce que la marde pogne, d'après vous autres? Il y a peut-être un petit peu de slow aussi, là. C'est tout le monde doit porter son bout de responsabilité. Puis la journée où il y a un open house, puis que vous virez tout sans dessus dessous, ce sera au propriétaire de la maison de payer dommages, puis on reçoit même pas d'excuses. C'est comme ça que je me sens par rapport aux fédérations étudiantes. On a salopé une ville au grand complet, puis on n'a même pas la décence de s'excuser puis de dire « Ouais, on va ramasser un petit bout de la facture. » Non, c'est des dommages collatéraux. C'est au gouvernement de ramasser, puis c'est à vous autres de payer les contribuables. Maudite merde. Hey, on le paye leur éducation. Hey, merci, ça ferait du bien. Ouais.